débarque avec une vie à 100 à l'heure. Dis-leur qu'ils appellent leur dealer au taxi fun fun fun parce que leur puce elle est grillée par la RG. Dis-leur s'ils veulent du on-zone ou du bitume qui viennent dans ma zone. Et si 93 ennemis d'état débarque avec un putain de stylo, stylo aussi agile qu'un reptile. File droit va pas de travers, écoute ces putains de verbes. Voici l'envers du décor, il est hardcore pour tous les mecs des halls. Ici qui nage le crawl, viens dans ma zone. Ici est marre de voir tous ces dealers qui se positionnent devant les écoles primaires. Dis-leur qu'ils ont pas besoin de ces heures de colle ou sniffer de la colle pour s'en sortir. Ici faut avoir un bagage sur le dos pour pouvoir s'en sortir. Moi j'ai la rage, ici t'as pas avoir été loin dans mes études. Ici viens pas dans ma zone. Cette zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères. Le poing en l'air pour une zone. Et la vérité que nos frères tombent à terre pour cette zone. Cette zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères. Cette zone du 93 département classé zone sinistrée. Ouais, 9,8 sur l'échelle des Richter. Alors écoute, ça est 93 ennemis d'état débarque et vient déballer la stricte vérité. Tu cherches de l'action, viens dans ma zone. Les odeurs de gaz d'échappement, tu kiffes l'odeur du bitume. Viens dans ma zone, où les odeurs de piste font vomir. Viens dans ma zone, il faut que tu respectes le code, mais pas celui du code de la route, où la balance finit la plus souvent dans la cave ou le canal. Et ça devient banal de se manger une balle comme un mec qui se tatoue un tribal. Mec, fais gaffe quand tu viens dans cette zone, car cette zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères. Le poing en l'air pour une zone. Et la vérité que nos frères tombent à terre pour cette zone. Cette zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères. Maintenant tu connais la règle du jeu de la zone. Fais chaud cash mais pas cachot. Comme au Monopoly on veut éviter la casse. Prison passer par la casse départ. Passer la seconde, plus de secondes à perdre dans notre production. On veut toucher un max d'euros. On veut éviter les mentales et les comptes à zéro. Ouais, 2008, ça devient chaud comme la braise dans mes rêves. Je me suis jamais surpris à piloter un jet ou même faire partie de la jet set. Mes rêves sont restreints, la maison, le compte créditeur, la famille, ma femme, mes enfants, sois heureux. Que mon son soit reconnu pour ce qu'il est, un rap vrai qui représente la France en bas. Tu me surprendras pas dans la peau d'un dealer et va leur dire que leur vie ne vont pas en longévitude mais en altitude. Et leur mort les font descendre violemment sur le sol. Les villas, les femmes et les belles bagnoles. Mais tout ça est hypocrisie vice. Car ces femmes ont croqué la pomme maudite et se marient avec l'argent et non avec la personne. Regarde les dealers qui décident de se ranger dans le bon chemin. Il est parfois trop tard dans cette zone. Imagine la scène. Ah, ça va la famille? Ouais, moi je me suis rangé, ça y est. C'est bon, c'est fini les conneries. C'est vrai? Bah ouais. T'as pas oublié l'autre? C'était mon frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Cette zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères. Le poing en l'air pour une zone. Et la vérité que nos frères tombent à terre pour cette zone. Zone qui nous endoctrine à l'argent facile. Cette zone qui nous endoctrine à traîner dans la rue. Cette zone qui nous apporte que des ennemis. Cette zone qui fait pleurer nos mères.